DJ Joe, Babra, OP, Nick, check, Tony Tony, du cœur à l'ouvrage, Naufragé moderne, toujours à l'eau sans bouée. Taper le foot avec mes potes en bas de survêt troué. Trois les brouettes en destin, gosse indiscipliné. Ce genre c'est pas du ciné, tous les faits hallucinés. 81 naissance, 95 décembre. Je me pars pour toujours du bahut, un beau jour de décembre. Voilà dans les mauvaises dates, ma répute intacte. Cette fille j'attaque sans tact, passé en phare et qu'est-ce. Toujours entre deux embrouilles, entre deux blêmes pro. Tout en impro, j'ai eu du pot de papier plein pot. Ça a pas été le cas pour tous, en fauteuil ou en volée. On braque la vie mais ça vaudra jamais tout ce qu'elle nous a volé. Melting pot de sentiments, mid-check de sensations. Mid-check avec mes potes, que tous les autres en bas leur science. Du cœur à l'ouvrage, le seul fils d'une trajectoire floue. Entre deux âges, entre le petit con et le vieux fou. Grandis tous avec des rêves. Avec des rêves, mais ils s'envolent avec le temps. Une feuille morte en automne, par les gilles, par le vent. Nostalgique, j'aimerais retrouver mon âme d'enfant. Profiter de cette vie et savourer chaque instant. Souciance a du bon quand t'arrives dans nos balles. Chômage plus alcool et grand avenir qui se gâte. Des gosses qui encaissent et des familles qui éclatent. La haine comme exutoire, mais la violence est une impasse. Je remercie mes parents car ils ont fait de leur mieux. M'ont appris à discerner les amis des envieux. Que la plus belle des richesses ne se lit pas avec les yeux. Qu'avec rien ou presque, rien ne t'empêche d'être heureux. L'enfance est un joyau, donc il faut la préserver. C'est ta chance d'être père, ne deviens pas celui qui hier tu détestais. C'est ta chance d'être père, ne deviens pas celui qui hier tu détestais. Grandis tous avec des rêves. Ouais mais bon qui sait, celui qui sait. Grandis tous avec des rêves. On croit que la vie mais ça vaudra jamais tout ce qu'elle nous a volé. Personne ne guérit le son de l'enfance. Un gamin grandit avec ses deux parents qui s'aiment. Sans savoir sous sa route, c'est des graines de bonheur qu'il sème. Ouais mais bon qui sait, c'est les bons qu'il sème. A tous ses désirs, sachant que c'est que du matériel. Une mère qui était pourrie, son gosse encore en maternelle. Après un divorce alors que le manque est paternel. L'enfance et l'innocence, on sait que c'est pas éternel. Jusqu'à l'adolescence, certains finissent même internés. A cause des drogues, mais ayant été avertis. De toute façon, ils t'écouteront pas car ils préfèrent être pervertis. Côté la rue où les blogs sont internet. Dis-moi on peut se tourner vers qui quand on n'a pas eu un paternet. Mais juste un mec qui préfère son paquet le pète. Qui n'a en tête envie de baiser un paquet de putes. A chaque fois qu'il rentre aide, c'est le plomb de la mater belle. Dépressive quand elle commence une crise, elle arrête plus. Grandis tous avec des rêves. Personne ne joue avec les mêmes regards. Grandis tous avec des rêves. Ouais mais bon qui sait, si les bons qu'ils aiment. Grandis tous avec des rêves. On croit que la vie mais ça vaudra jamais tout ce qu'elle nous a volé. Personne ne guérit le son de l'enfance. L'enfance et l'innocence, on sait que c'est pas éternel. T'es grand des vides, gamin. Tout le reste.